Chapitre 35e. Le baron resta interloqué devant cette brusque sortie. Pourquoi le colonel s'était-il hâté d'intervenir comme un diable à surprise? En écoutant sans se montrer, on en aurait entendu long, car Bayeux avait bien commencé. Et le baron regretta que cette scène, qui débutait si franchement, eût été interrompue. Combien de révélations instructives avaient été perdues? Comment Carmelita était-elle devenue la maîtresse du chanteur? Quand cette liaison avait-elle commencé? Dans quelles conditions? Tout cela était fort intéressant à prendre, surtout de la bouche de Carmelita. Et par sa violence, le colonel était venu couper cette confession dès son début. Sans doute, il n'avait pas voulu écouter aux portes et surprendre ainsi les secrets de celle qu'il aimait. Cette façon d'agir pouvait être délicate. Le baron n'en savait rien, mais à coup sûr, elle était niaise. Est-ce que ses secrets n'étaient pas les siens? Assurément, le baron, à sa place, n'eût pas relevé le store, et il eût écouté cette scène jusqu'à la fin, sans se montrer, en se contentant de risquer un œil. Qui pouvait savoir si la conclusion de cette explication qui débutait par la fureur n'eût pas été instructive? Heureusement, le colonel en avait assez entendu pour connaître celle qu'il allait prendre pour femme, la maîtresse d'un comédien, ni plus ni moins. Et pensant à ce triomphant résultat, le baron se consola du brusque départ qui venait si maladroitement tromper sa curiosité. Ce qu'il avait voulu et cherché, ce n'était pas le récit des aventures amoureuses de Carmelita, c'était la rupture de son mariage, et cela il l'avait obtenu. C'était en suivant le colonel jusqu'à la porte de sortie du salon que ses idées avaient traversé l'esprit du baron. La porte fermée, il revint vers la serre. Carmelita et Bayeux étaient restés en face l'un de l'autre, sans bouger, sans parler, comme s'ils avaient été pétrifiés par cette apparition du colonel, ses paroles et son départ. Le baron s'avança vers Carmelita. Elle le regarda venir en attachant sur lui des yeux qui jetaient des flammes. « Vous plaît-il que je vous reconduise chez vous ? » dit-il. Sans lui répondre, Carmelita resta les yeux posés sur lui avec une fixité si grande que malgré son assurance, il se sentit troublé. « Quel guet-apens infâme » dit-elle enfin en étendant son bras vers le baron par un geste tragique. Puis, détournant la tête avec dégoût, « Lorenzo » dit-elle. À cet appel, le maître de chant eut un frisson, car la façon dont elle avait prononcé ce nom lui rappelait sans doute d'heureux souvenirs. « Lorenzo » répéta-t-elle, et cette fois, elle mit encore plus de douceur dans son intonation. Il s'avança d'un pas vers elle. « Voulez-vous me reconduire chez ma mère ? » dit-elle. Il passa devant le baron, en détournant la tête et le corps tout entier, avec un mouvement d'épaule qui manifestait le dédain et le mépris le plus profond. Lorsqu'elle fut sortie de la serre, elle prit le bras de Bayeux, et le baron les vit s'éloigner, marchant d'un même pas. « Eh bien, elle n'a pas été longue à prendre son parti, » se dit-il. « Le prince prendra-t-il le sien aussi facilement ?» Mais cette pensée ne l'occupa pas longtemps. Il avait un devoir à remplir envers sa fille, et il n'oubliait jamais ses devoirs. Ne lui avait-il pas promis de l'avertir de ce qui se serait passé dans cette entrevue? Il entra chez elle. Ida se tenait le front appuyé contre une fenêtre de son appartement qui donnait sur le jardin. « Le colonel partit seul, » s'écria-t-elle. « Carmelita partit avec M. Bayeux. Qu'est-ce que cela signifie? Le colonel a-t-il vu Carmelita? L'a-t-il entretenu comme il le désirait? Sommes-nous arrivés trop tard? N'anticipons pas, dit le baron en riant. Et avant tout, chère fille, parle-moi franchement, que penses-tu du colonel? C'est la troisième fois que tu me poses cette question. La première fois, tu me l'as adressée lors de l'arrivée du colonel à Paris. La seconde, un peu avant le départ du colonel pour la Suisse. Enfin, voici maintenant que tu veux que je te répète ce que je t'ai déjà dit. À quoi bon? Dis toujours. « Si le colonel me demande ta main de ces jours, dois-je répondre oui ou non? Il faut que je sois fixé. » « Que s'est-il donc passé ?»« Il s'est passé que le colonel vient de rompre avec Mademoiselle Belmonte. »« Rompre en si peu de temps? Quelques paroles en suffit. » Le colonel avait donc bien peu d'affection pour Carmelita. « Je crois en effet qu'il ne l'a jamais aimée et qu'il avait été amené malgré lui à ce mariage par les intrigues de Mazzazzoli. Voilà pourquoi... « Je désire savoir ce que je dois répondre au colonel, si un jour ou l'autre il me demande ta main. Car j'ai de bonnes raisons pour croire qu'il m'adressa cette demande. « Quelle raison, cher papa ?»« Nous parlerons de cela plus tard. Le moment n'est pas venu. Sache seulement que si le colonel n'avait pas pensé à toi, il n'aurait pas rompu avec Carmelita. »« Ah, papa !»« J'ai vécu dans ces derniers temps assez intimement avec le colonel pour connaître l'état de son cœur. Ne doute pas de ce que je te dis et réponds-moi franchement. » La réponse d'aujourd'hui sera celle que je t'ai déjà faite deux fois. Je n'ai pas changé. Le baron prit sa fille dans ses bras et l'embrassa tendrement. Puis, ayant essuyé ses yeux mouillés de larmes, il la quitta, car il n'avait pas le loisir, hélas, de se donner tout entier aux douces joies de la tendresse paternelle. Avant tout, les affaires. Il lui fallait voir le colonel. Dans quelle disposition celui-ci était-il et comment avait-il accepté cette rupture ? La question valait la peine d'être examinée de près. Surtout, il importait de découvrir ce qu'il pensait de l'intervention du baron et de la rencontre Bayeux avec Carmelita dans un endroit où il devait entendre et voir ce qui se passerait entre eux. Sans savoir si le colonel était rentré chez lui, le baron se rendit à l'hôtel Chamberlain. À ces questions, le concierge répondit que le colonel venait de rentrer. Alors, sans en demander davantage et sans parler à aucun domestique, le baron, en habitué, en ami de la maison, se dirigea vers l'appartement du colonel et, après avoir frappé de petits coups, il entra dans la bibliothèque. Le colonel était assis devant son bureau, la tête appuyée dans ses deux mains. Ce fut seulement lorsque le baron fut à quelques pas de lui qu'il abaissa ses mains et releva la tête. « Monsieur le baron Lazarus !» Assurément, ce cri n'était pas encourageant. Il y avait autant de mécontentement que de surprise dans son intonation. Mais le baron ne voulut voir que la surprise. « J'ai cru que vous seriez curieux de savoir ce qui s'est passé après votre départ. » Le colonel le regarda un moment, comme s'il ne comprenait pas, puis levant la main. « Avant tout, une question, je vous prie, monsieur le baron. » « Dites, mon ami, dites. » « Vous avez voulu me faire assister à l'entretien de mademoiselle Belmonte et de cet homme ?» Le baron leva les bras au ciel dans un mouvement d'indignation. Cependant, il ne se laissa pas emporter, mais se calmant presque aussitôt. « Je pourrais, » dit-il d'une voix que l'émotion rendait tremblante, « je pourrais vous répondre catégoriquement. Mais j'aime mieux que cette réponse, vous vous la fassiez vous-même. Vous savez quelle est ma tendresse pour ma fille, n'est-ce pas ? Vous savez dans quel sentiment d'honnêteté et de pureté je l'élève. Pensez-vous que si j'avais su que mademoiselle Belmonte était, mon Dieu, il faut bien appeler les choses par leur nom, si vilain que soit ce nom, pensez-vous que si j'avais su que mademoiselle Belmonte était la maîtresse de son professeur de chant, j'aurais toléré qu'elle fût la compagne, l'amie de ma fille? Dites, le pensez-vous? Non, n'est-ce pas? Alors, si je ne savais pas cela, comment voulez-vous que j'ai eu l'idée de vous faire assister à l'entretien de mademoiselle Belmonte avec ce professeur de chant? Dans quel but aurais-je agi ainsi? Le colonel ne répondit pas. Voici comment cet entretien a été amené, continua le baron. Au moins, ce que je vous dis là résulte de ce que j'ai entendu après votre départ. Ce professeur de chant, nommé Lorenzo Bayeux, un ancien chanteur, un comédien, ce Bayeux était désespéré du mariage de celle qu'il avait cru épouser. Il la poursuivait partout. Mais le prince faisait bonne garde et l'empêchait d'arriver jusqu'à Carmelita. Tantôt il l'a vu sortir avec Ida et l'a suivie. Et quand Carmelita est entrée dans la serre, tandis que ma fille allait changer de toilette dans son appartement, il est entré avec elle. De là cette surprise chez Carmelita. Mais, pour être complet, je dois dire que cette surprise s'est bien vite calmée. Après votre départ, je suis allé dans la serre pour offrir à mademoiselle Belmonte de la reconduire chez elle. Elle ne m'a pas répondu. Mais détournant la tête, elle a pris le bras de ce comédien et elle est partie avec lui. La paix était faite. Soyez donc rassurés sur celle que vous vouliez élever jusqu'à vous. Voilà ce que j'ai voulu vous apprendre afin de n'avoir plus à revenir sur ce triste sujet. Maintenant, un mot encore, un seul. Si vous avez quelque affaire à traiter avec le prince Mazzazzoli, je me mets à votre disposition et vous demande d'user de moi. C'est un droit que mon amitié réclame, et puis, pour cette pauvre fille, il vaut mieux que personne autre que moi ne sache la vérité. Pour le monde, nous verrons arranger les choses de manière à l'aménager autant que possible. »